Vas-y, mais. De toute façon, on va pas l'attendre sans son, tu sais. C'est même pas où il est. Vas-y, monte, monte. Oh, fire. Ça, cette heure-ci, pourra même être en Bretagne. C'est Jersey. Ma vie en boîte. C'est Jersey. Dans ma vie me tape en boîte. Trip, sans écrire de strip, je connais ma life à l'avance. Plus j'avance et moins je pense. Je vis à l'instant pour l'instant. Mon cœur s'arrête de boîte à chaque. Tiens, Théma, il est là, il est là. Il est foncé. Dans les premiers rangs, mon écriture à la petite d'un chien errant. Il est foncé. Figure-toi que ma figure gratuite. Vas-y, on se casse. Allez, vas-y, vas-y, on se casse. De toute façon, il est foncé. Là, il est dans son truc. Libérer ma haine ne serait pas sa conscience. En l'occurrence, je suis le seul depuis plus de 20 ans. Je suis pas quand on est coupé.